L de génie. L'instinct guide nos pas, sans raison ni loi, un souffle naturel, une force en soi, qui nous pousse, nous mène sans jamais faillir, un don de la nature, un talent à chérir. L'intuition nous éclaire dans l'ombre et la nuit, un sentiment profond, un flair qui nous suit, inclination subtile, talent inné, aptitude divine, génie révélé. L'instinct guide nos pas, sans raison ni loi, un souffle naturel, une force en soi. Nous pousse, nous mène sans jamais faillir, un don de la nature, un talent à chérir. Le pressentiment, un murmure d'une impulsion douce, tendance à suivre, pension qui pousse, un don précieux, un feeling intense, penchant naturel, pulsion qui danse. L'instinct guide nos pas, sans raison ni loi, un souffle naturel, une force en soi, et il nous pousse, nous mène sans jamais faillir, un don de la nature, un talent à chérir. Disposition innée, réflexe vital, appétit de vie, prédisposition totale, perspicacité fine, sensation pure, nature instinctive, émotion sûre. L'instinct guide le pas, sans raison ni loi, un souffle naturel, une force en soi, il nous pousse, nous mène sans jamais faillir, un don de la nature, un talent à chérir. À chérir, faculté cachée, motivation profonde, naturel instinctif poussé qui inonde, impression fugace, consubstance du cœur, pente naturelle, instinct sans peur. L'instinct guide nos pas, sans raison ni loi, un souffle naturel, une force en soi, il nous pousse, nous mène sans jamais faillir, un don de la nature, un talent à chérir. L'instinct guide nos pas, dans chaque décision, un cœur qui bat, une douce inclination, un don précieux, une force intérieure, un talent caché, une lumière supérieure. L'instinct guide le pas, sans raison ni loi, un souffle naturel, une force en soi, il nous pousse, nous mène sans jamais faillir, un don de la nature, un talent, et je vous dis, à chérir. Quand l'instinct, sans un lieu ou une personne négative, est sombre, il nous résonne. Éloignez-nous vite, écoutons ce signal, un pressentiment sûr, un guide loyal. L'instinct, un guide le pas, sans raison ni loi, un souffle naturel, une force en soi, nous pousse, nous mène sans jamais faillir, un don de la nature, un talent à chérir.